Hey yo! Kito Kome! Chou? Ame ral se mpo voy voy voy voy voy. Solenga! A big bad chot! Police! Coupe de calé! Police! Coupe de calé! Police! Coupe de calé! Police! Coupe de calé! Allez Kito Kome, vous approche aujourd'hui à coupe de calé! Tout le monde va raccommoder sa cassette, couper, couper, couper, oh! Tout le monde va décaler, man! Tout le monde va sa cassette! Décaler chinois, décaler chinois, décaler chinois, Tu? Décaler chinois, décaler chinois, décaler chinois! Tout le monde va galoper, petit cheval est galopé! Tout le monde va galoper, petit cheval est galopé! Agricata, gricata, gricata, gricata, gricata, gricata, gricata, gricata, pom, pom! Oh les gars! C'est comment? Allons aller! Police! Coupé décalé! Police! Coupé décalé! Police! Coupé décalé! Police! Coupé décalé! Tu m'apprends à danser? Tu es du quartier? Oui, oui! Bon, suis-moi! Rakata kuta ku, rakata kuta ku, rakata kuta ku, rakata kuta ku, rakata kuta ku, rakata kuta ku, allez, tout le monde va s'envoler, on va s'envoler bango, allez s'envoler ma équilibré molare, équilibré, équilibré, équilibré molare. Allez, Drogba Didier dans la surface de réparation, putain, sagacité, et puis décalé, à couper, à décaler. Police, coupé décalé. Police, coupé décalé. Police, coupé décalé. Police, coupé décalé. Hey yo, on met le ciment dans la gana gana gana. Hey DJ Kitoko, respect. Hey yo, ça c'est le son pour décalé. DJ fait tout le monde décalé coupé. Va finir, c'est comment s'amuser. Décalé coupé, bien travaillé. Y'a fouille, tous les ethnies sont mélangés. En Europe, la bijou s'est raccommodé. Faut monter, fait le bouger. Décalé chinois, fait danser tous les quartiers. Ici y'a pas des gens qui sont fatigués. La suspense va transpirer. Mon mot quoi qui se go, m'a téléphoné. Ce soir c'est décalé chinois, raccommodé. Yeah man, c'est ça man. Oh ici. Coupé décalé. Police. Coupé décalé. Police. Coupé décalé. Police. Coupé décalé. Coupé décalé. On les raccommoder, raccommoder. Coupé décalé. On les raccommoder. Coupé décalé. On les raccommoder, raccommoder. Coupé décalé. On les raccommoder, raccommoder.